pas que tu manquais d'amour, mais ça visait trop long, trop court. Alors y avait que le vide autour. Petit moi, c'était dans les années 60, une enfance calme et violente, t'attendais les soucoupes volantes. Et tout ça, je sentais que c'était mal, que c'était pas tout à fait normal de rien faire comme les gosses d'ici. Alors tu faisais un peu semblant, ça aurait fait de la peine à maman, déjà qu'elle se faisait du souci. T'avais des drôles d'idées en tête, alors on te cassait tes lunettes, t'étais du genre qui nous embête. Petit moi, les autres gamins du quartier, leurs mots ne faisaient pas de quartier, toi t'avais juste envie de les tuer. Oui c'est ça, tu te battais avec les plus grands, mais tu sentais trop fort dedans l'appel d'amour de la colère. Je crois que ça t'a fait un peu peur, alors tu t'es fermé le cœur et puis t'as juste laissé faire. Cafard, tu m'écrivais pour que plus tard je te protège du désespoir. Petit moi, combien tu m'as écrit de lettres cachées dans des boîtes d'allumettes pour dans 20 ans. Tu vois, c'est bête, je les ai pas. Je sais, j'ai perdu tes messages. J'avais besoin de tourner la page. Il fallait bien que je te trahisse. Après, je t'ai longtemps cherché. J'avais peur que tu sois fâché, j'ai compris que t'étais seulement triste. Mais à 10 ans, tu as découvert ça. Écoute. Pour ma musique, mes mots, ma voix, merci. Merci. Écoute. Écoute. Ce qui n'a pas été n'est pas. Et l'on ne peut rien faire à ça. Mais cette chanson est pour toi. Petit-moi, ce qui n'est pas ne sera pas. Je ne te rendrai pas tout ça.